إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc après une interruption d'un certain nombre de semaines, on reprend le livre de Cheikh Mohamed Ben Omar Bazmoul, Hafidahullah Ta'ala, qui est l'explication du fameux livre, l'excellent livre, l'épître de Cheikh Al-Albani Rahimahullah sur la prière, qui est Sifat Salat al-Nabi alayhi salatu wassalam, min al-takbir al-taslim kannaka taraha. On avait déjà dit de nombreuses fois que c'était un détail fait du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui est quoi? Sallu kama ra'aytumuni wa salli, priez comme vous m'avez vu prier. Donc on apprend comment prier correctement, inshallah, et on est arrivé au point concernant la lecture du prophète alayhi salatu wassalam dans les prière. Et plus précisément, on est arrivé en ce qui concerne la lecture du prophète alayhi salatu wassalam dans quelle prière? La prière nocturne, salat al-layl, ou qiyamul layl. Et on est arrivé, en tout cas l'édition que j'ai moi ici, c'est page 218, on est arrivé au athar de Ibn Omar dans Sahih al-Bukhari. Donc on commence à partir de là, inshallah. Wa qad ja'a fi ba'd al-ahadith 'an Ibn Omar radiyallahu anhuma qala رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إلي، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله أي ابن عمر رضي الله عنهما يصلي من الليل. والأثر أخرج البخاري في كتاب التهجد ينفوت كما لسيون كجي موا يسي يزومي كتاب جمعة سي كتاب التهجد سي حديث 1158 ومسلم كتاب فضائل الصحابة حديث 2479. الشيخ التغمين سبوان لان ديزان فدل ذلك على أن صلاة الليل من الأسباب المنجية من عذاب القبر. وقد جاء في القرآن أن صلاة الليل وصلاة السحر هي صفات المؤمنين، هي من صفات المؤمنين والمستغفرين بالأسحار، سورة آل عمران. فعلى المسلم أن يأخذ نفسه بالرفق والتؤدة، وأن لا يكثر على نفسه، وأن لا يطيل هذه الصلاة بعدد الركعات ولا بالقراءة بشيء يشق على نفسه. ولذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له يا رسول الله إني شاب نشيط أجد لدي قوة أريد أن أختم القرآن في ليلة أو في ليلتين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ولم يرخص له إلا أن يقرأ القرآن في أسبوع، ثم رخص له في 5 أيام، ثم رخص له في 3 أيام، ونهاه أن يقرأ القرآن في أقل من ذلك. Donc on traduit déjà ce point, on était donc, comme on a dit, dans le cadre de l'étude de la prière nocturne, ou l'arrestation du prophète alayhi salam dans la prière nocturne. Et Cheikh Mohamed ibn Omar Bazmoul, hafidhahullah, nous dit qu'il a été rapporté dans certains hadiths qu'Ibn Omar, qui est le fils de Omar al-Khattab, radiallahu anhuma, a dit « J'ai eu un rêve à l'époque du prophète alayhi salam, où c'est comme si j'avais à la main un morceau de brocart. Hein? » Il n'y avait pas un endroit du paradis où je voulais y aller sans que ce morceau-là ne vole vers cet endroit. Et j'ai vu comme deux personnes qui vinrent vers moi, qui voulaient m'amener en enfer. Un ange les rencontra et dit, une expression en arabe qui dit, comme l'a dit Ibn Hajar al-Asqalani dans Sharh Sahih al-Bukhari Fath al-Bari, il a dit "Wal ma'na la khawfa 'alayka ba'da hadha." C'est-à-dire que il y a pas de peur pour toi après cela. C'est-à-dire n'aie pas peur. Lam tura'. Et le athar continue en disant "Vous deux laissez-le." Hafsa, qui est Hafsa par rapport à Abdullah ibn Omar, sa sœur, et qui par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa femme, donc c'est la sœur d'un sahabi, la fille d'un sahabi qui est le deuxième calife des quatre califes, des quatre grands califes qu'on connaît, hein, Khulafa al-Rashidun, et qui est en plus la mère des croyants, une des mères des croyants, et la femme, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Hafsa, elle raconta au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'un des deux rêves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quel homme bon que Abdullah, s'il priait la nuit. Et Abdullah priait la nuit. Radiallahu anhu wa arda. Et c'est un hadith, donc je répète la référence, rapporté par le Bukhari 1158 et Muslim 2479. Ceci indique que la prière nocturne fait partie des causes qui sauvent du châtiment de la tombe. Et il a été dit dans le Coran que la prière nocturne et la prière juste avant l'aube, hein, font partie des caractéristiques des croyants. Sifat al-mu'minin. Traduction du sens du verset 17 de Sourate Ali Imran. Et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Sourate Ali Imran, verset 17. Le musulman se doit d'être doux envers soi-même, d'agir doucement, posément, et de ne pas trop faire, de ne pas allonger la prière en augmentant le nombre d'unités de prière. Hein? Et là, évidemment, déjà, si vous voulez, c'est, comme ils disent en anglais, whatever psychology, le fait de ne pas trop faire, ben on se pose la question, déjà, est-ce qu'on fait ça, hein? Nous-mêmes, est-ce qu'on fait la prière nocturne ou pas, hein? Comprenez ma question, hein? D'accord? Donc il dit, cher Hafidallah, de ne pas trop faire, de ne pas allonger la prière en augmentant le nombre d'unités de prière et de ne pas l'allonger en récitant longuement, à tel point que cela cause une difficulté. C'est-à-dire de quoi le fait de trop faire. Et Vachir va détailler après, Inch'Allah. Et c'est pour cette raison que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As, et ce lorsqu'il lui dit, ô messager d'Allah, je suis jeune et dynamique, shabun nashita, hein, Nashit, quelqu'un de dynamique et de l'énergie. J'ai de la force. Je voudrais terminer le Coran en une nuit ou en deux nuits. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, là. Et il ne lui a permis de finir le Coran qu'en une semaine. Puis il lui a permis en cinq jours. Puis en trois jours. Hein? Et il lui a interdit de lire le Coran en moins que cela. C'est-à-dire pas moins de trois jours. Shir, il continue en disant, Hafidhahullah ta'ala, c'est Nasiha qu'il fait. Il dit, Hafidhahullah ta'ala, وَيُخْشَى عَلَى مَنْ شَدَّدَ عَلَى نَفْسِهِ الْفُطُورِ وَالْإِنْقِطَاعِ عَنِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَلِذَا قَالَ لَهُ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّهِ بمعنى النشاط والهمة ولكل شرة فترة فترة يعني نقص يقل في النشاط وتقل فيه الهمة كل إنسان متحمس يبدأ في أول أمر بنشاط وهمة ثم بعد ذلك يأتي به فترة ينقص فيها عمله وينقص فيها حاله عما كان عليه. Regardez la suite du hadith. فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. فمن الناس من يكون نقصه على بدعة ومن الناس من يكون نقصه على سنة فمن كانت فترته إلى السنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فعلى المسلم أن لا يكثر على نفسه من العبادة إلا ما يطيق وأن يتذكر دائما أن قليلا اغتنص نغب قليلا دائما خير من كثير منقطع. Qu'est-ce qu'on a dit? Anna, quoi? Qalilan, da'iman. On va traduire ce que ça veut dire, Inch'Allah. Khairun min, kathirin, munqati'in. Ou l'ou anna l'insan, yusalli min al-layl 3 rak'at, wa yuhafidhu alayha, خير من أن يصلي من الليل 10 ركعات أو 11 ركعة في ليلة ويستمر أسبوع ثم بعد ذلك ماذا؟ يقطعها. نعم شيخ كيسكيل دي حفظه الله تعالى، صلى الله عز وجل إن يرزقه الفردوس الأعلى، il dit le musulman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a fait nasiha par rapport au musulman. Il a dit, et l'on craint pour celui qui est dur envers lui-même, extrême, qu'il se découragera après et arrête les actions vertueuses. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, chaque, écoutez bien ce hadith, chaque adorateur a une shirra, c'est-à-dire qu'il a pour sens motivation, énergie. Mais regardez la suite. Et chaque shirra a une fatra. Hein? C'est-à-dire chaque moment d'énergie, chaque motivation, elle a quoi? Un moment où la motivation et l'énergie diminuent. Chaque individu au début a du zèle, est emballé, motivé. Puis après cela, qu'est-ce qui se passe? Il y a un abattement. Pendant lequel ses actions diminuent et ce sur quoi il était diminue. Alors le prophète continue le hadith en disant, soit vers une sunnah, soit vers une innovation. Shir l'explique cela en disant, certaines personnes, lorsqu'ils diminuent en action, c'est sur une innovation. Et d'autres, pourquoi cette diminution, pour qui, pardon, cette diminution est sur la sunnah. Celui qui diminue vers une sunnah, le prophète qui continue le hadith, est certes guidé. Et celui qui diminue vers une innovation est certes perdu. Le musulman, Cheikh Bezmoul dit, donc, se doit donc de ne pas trop faire, de ne pas exagérer. Ça ne veut pas dire de ne pas faire. Hein? On avait vu dans la dora qu'on avait fait, on a répété de maintes fois, que la sunna c'est quoi? C'est toujours l'wasatiya. Hein? Et Cheikh, il a dit quoi ici? Il a dit que, et il va le répéter dans un instant, Inch'Allah, il dit que faire un peu, mais constamment, c'est mieux que faire beaucoup et d'arrêter. Et qu'il y ait une rupture, une coupure. Et c'est ça la vérité. Ça, on revient à une chose, une notion très importante, ya ikhwa. Et j'ai remarqué, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, ils ont un gros, gros, gros problème vis-à-vis de ça. C'est l'organisation. Hein? D'être bien organisé et de bien organiser son temps. Hein? Et de bien organiser son temps, c'est d'organiser ses ibadat aussi. Hein? Des fois, on a un achat, tu vas faire 11 rak'at, mashallah, l'iman il est qawi, tu vas faire ça pendant 3-4 jours. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Il l'aime rahimahullah, celui qui fait sa manière constante, Allah me barak fi. Hein? Allah il barak fi. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Hein? Voilà, qui a une manière constante, qu'est-ce qu'il ne va pas le faire en général? Et qu'est-ce qui va se passer? Il va arrêter parce que c'est trop. Hein? Alors, Cheikh, il dit, c'est mieux de faire moins, mais constamment. Et il va rapporter hein, des choses vis-à-vis de ça, Inch'Allah. Donc, Cheikh, il continue en disant. Le musulman se doit donc de ne pas trop faire, de ne pas exagérer dans son adoration. Il ne doit faire que ce dont il est capable et qu'il garde constamment à l'esprit que faire un petit peu, mais constamment, est mieux que faire beaucoup avec des coupures. Ou bien d'arrêter. Si quelqu'un, et c'est ça que je disais il y a un instant, si quelqu'un, Cheikh dit, prie 3 unités de prière, 3 rak'at, hein, 3 rak'at, la nuit, de manière constante, cela est meilleur pour lui que de prier la nuit 11 unités de prière pendant une semaine et puis ensuite d'arrêter. D'accord? Ensuite, Cheikh, il rapporte une parole de Cheikh Al-Albani ici vis-à-vis du matn et il dit علق المصنف في صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقوله. Ici, pour les frères qui ont le livre devant eux, il fait référence au hadith qui dit وما كان عليه الصلاة والسلام يصلي الليل كله إلا نادرا. Sur le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام, qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Il ne priait pas toute la nuit, sauf à de rares exceptions. D'accord? Que rarement, très rarement. Et Cheikh va expliquer ça dans un instant. Et il rapporte justement une annotation que Cheikh Al-Albani l'a fait dans le matn, en dessous du matn, dans le Hashiya, sur ce passage-là. Et il dit, c'est donc Cheikh Al-Albani qui parle maintenant. ولهذا الحديث وغيره يكره إحياء الليل كله دائما أو غالبا لأنه خلاف سنته عليه الصلاة والسلام ولو كان إحياء كل الليل أفضل لما فاته عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تغتر بما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه مكث 40 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، فإنه مما لا أصل له عنه. بل قال العلامة الفيروز الأبادي في الرد على المعترض: هذا من جملة الأكاذيب الواضحة التي لا يليق نسبتها إلى الإمام، فما في هذا فضيلة تذكر، وكان الأولى بمثل هذا الإمام أن يأتي بالأفضل. ولا شك أن التجديد الطهارة لكل صلاة أفضل وأتم وأكمل، وهذا وإن صح أنه سهر طوال 40 سنة متوالية، وهذا أمر بالمحال أشبه، وهو من خرافات بعض المتعصبين الجهال قالوه في أبي حنيفة وغيره، وكل ذلك مكذوب. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. Donc la notation du, par rapport à ce hadith du prophète عليه الصلاة والسلام de Cheikh Al-Albani رحمه الله, il a rapporté dans son livre Sifat Salah que le prophète عليه الصلاة والسلام n'a pris la nuit entière que rarement. Puis il explique, il dit, et il a expliqué cela dans son livre en disant, en raison de ce hadith et d'autres hadiths, il est détestable, makruh, de prier toute la nuit, tout le temps, ou même le plus souvent. Car cela est contraire à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car si le fait de veiller toute la nuit en prière était meilleur, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas délaissé. Et la meilleure des guidances est la guidance de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ne sois, Cheikh, il dit, et ne sois pas dupe. Fais attention. Voilà, taghtar. Ne sois pas trompé. Parce qu'il rapportait de Abu Hanifa rahimahullah, ou concernant Abu Hanifa plutôt, qu'il, pendant 40 ans, a prié la prière du subh, c'est-à-dire du matin, avec les ablutions de l'Isha. Ce qui a été rapporté le concernant n'a aucun fondement, n'est pas fondé. Mais de plus, l'éminent savant qui est Fayrouz Abadi, que vous connaissez sûrement, il a dit, rahimahullah, dans son livre Ar-Raddu ala al-Mu'tarid, volume 1, page 44, que ceci fait partie des mensonges clairs qu'il ne convient pas d'attribuer à l'imam Abu Hanifa, car il n'y a aucune préséance dans ce qui a été rapporté à son sujet. Il va expliquer pourquoi. Parce que pourquoi ils font ça, Zani? Pourquoi ils mentent sur l'imam Abu Hanifa? Pourquoi? Voilà, pour le monter en respect, dire voilà, masha'Allah, il montre ça, le fadl, son fadl, etc. Voilà que justement, c'est contraire à ce qu'ils veulent faire. Il va expliquer, cher, pourquoi. Parce que, vous pouvez deviner déjà, si, l'imam, il aurait fait un plus grand bien encore que cela, qui est quoi? C'est le fait de faire quoi, la sunnah? De renouveler les ablutions pour chaque prière. Ce qu'il va dire ici, il dit, car ce qui convient à quelqu'un comme cet imam, c'est de faire ce qui est le mieux. Or, il n'y a aucun doute que le fait de renouveler les ablutions pour chaque prière est meilleur et plus complet. Il dit ceci, si c'est vrai qu'il a veillé la nuit pendant 40 ans de manière continue. Et ceci ressemble plus à ce qui est impossible, cher dit. Et des histoires inventées de certains ignorants, fanatiques, qui ont dit cela au sujet d'Abu Hanifa et au sujet d'autres que lui. Et tout ceci est mensonge. Fin de citation de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Maintenant, on revient au matn en haut. Et puis on continue le charah. Parce que là, on va traduire la fin du chapitre et on va expliquer ça avec l'explication de Cheikh Bazmoul, hafidhahullah ta'ala. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit: وقام ليلى بآية يرددها حتى أصبح، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع، وبها يسجد، وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. وقال له رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يقوم الليل، يغدك البون فوزان، فوزان كيف قيام الليل، ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها لا يزيد عليها، كأنه يقللها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لا تعدل ثلث القرآن. Je vous pose déjà une question. Qu'est-ce que vous comprenez de ce hadith que surat l'Ikhlas, elle équivaut à quoi? Au tiers du Coran. J'ai déjà entendu deux choses différentes. Toi, tu as dit par rapport à son? Par rapport au sujet qu'elle traite. D'accord? Hein? Ok. Par rapport à la récompense. Donc on va dire il y a plutôt deux genres de réponses. Ah, on va voir dans un instant, Inch'Allah, c'est quoi la bonne réponse. Il y a quelqu'un qui est en erreur, il y a quelqu'un qui a une bonne réponse. Cheikh Albani, rahimahullah, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: une nuit, le prophète, alayhi salatu wassalam, a prié en lisant un seul verset, qu'il n'a cessé de répéter jusqu'à l'heure de la prière du Subh. La traduction du sens de ce verset est: si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. C'est Surat Al-Ma'ida, verset 118. Il s'inclina, alayhi salatu wassalam, se prosternait et faisait des invocations en le répétant. Le matin, Abu Dharr, radiallahu anhu, il lui dit: ô prophète d'Allah, tu n'as cessé de réciter ce verset jusqu'à l'aube. Tu te prosternais et t'inclinais après l'avoir récité et tu faisais des invocations après cela, alors qu'Allah t'a pris le Coran en entier. Si l'un d'entre nous faisait cela, on lui aurait reproché son geste. Il répondit alors, alayhi salatu wassalam, j'ai demandé à mon Seigneur de pouvoir intercéder en faveur de ma communauté, alayhi salatu wassalam. Et il me l'a accordé. Ainsi, si Allah le veut, toute personne qui n'a point associé à Allah en bénéficiera. Un homme lui dit: ô prophète d'Allah, j'ai un voisin qui, en accomplissant la prière nocturne, ne récite que Qul huwallahu ahad, la traduction du sens du verset dit: il est Allah l'unique. Il fait référence à quelle surat? Surat Al-Ikhlas. C'est la surat 112. Il dit, il répète cette surat sans rien y ajouter. L'homme dit cela comme s'il la considérait comment? Comme trop? Comme si elle était trop courte. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: par celui qui détient mon âme, c'est-à-dire par qui? Par Allah, il jure par Allah. Cette sourate équivaut au tiers du Coran. Et là, on va voir la réponse, Inch'Allah. Yaqul le Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul, hafidahullah, et on ne va pas tout terminer aujourd'hui, mais on va essayer de faire 5 points, Inch'Allah. Tiré de ce hadith, de ce chapitre, et il en restera un sixième. Inch'Allah, qu'on fera peut-être le cours prochain, Inch'Allah. Il dit: هذا المقطع من هذا الفصل اشتمل عدة مسائل. المسألة الأولى ذكر في هذا الفصل أو ذكر في هذا الفصل الأحاديث ذكر في هذا الفصل الأحاديث التي جاءت في الدلالة على مقدار قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم القليلة من الليل، فدلت الأحاديث أنه كان يقرأ أحيانا بمئتي آية وأحيانا بسورة بني إسرائيل. ما هي سورة بني إسرائيل؟ J'ai entendu la bonne réponse. Hein? Il y a quelqu'un qui l'a dit, mais furtivement. Celui qui l'a dit, là, il a raison. Hein? Ahsant, l'Isra. والزمر وكان يقول من قرأ بمئات آية لم يكتب من الغافلين وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية وأحيانا يقرأ بالمزمل. شيخ محمد بن عمر بزمول قال لي le préserve, le fasse miséricorde également, dit: cette partie du chapitre contient les points suivants. Premier point, il a cité, c'est-à-dire qui l'auteur, Cheikh Al-Albani rahimahullah, les hadiths qui indiquent la récitation courte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la nuit. Les hadiths que des fois, ces hadiths que des fois il récitait combien de versets, on a dit 200 versets. Et parfois, la sourate qu'on appelle aussi Banu Israël, les fils d'Israël, qui est sourate l'Isra. Et Az-Zumar, lorsqu'il disait: celui qui prie en lisant 100 versets ne sera pas écrit parmi les insouciants. Et parfois, il lisait dans chacune des unités de prière 50 versets. Et parfois, il lisait Surat Al-Muzammil. Ça, c'était pourquoi pour le premier point. Deuxième point, Al-Mas'alatu Thaniya. دلت هذه الأحاديث على فضل صلاة الليل فقد جاء فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في فضلها: من صلى في ليلة بمئة آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. وجاء فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين. مع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومداومته عليها، فدل ذلك على الفضل العظيم الذي اشتملت عليه صلاة الليل، فإنها تجعل الإنسان بإذن الله إذا حافظ على هذه القراءة، أو إذا قرأ في ليلة بمئة آية، أو في ليلة بمئتي آية، أنه ليس من الغافلين، بل يكتب من القانتين المخلصين. صلى الله عز وجل جعلنا منهم. Deuxième point tiré de ce hadith, les hadiths qui ces hadiths qu'on a tiré de ce chapitre indiquent la préscience de la prière nocturne, qiyam al-layl, ou bien salat al-layl. Il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit sur la préscience de la prière nocturne: celui qui prie une nuit en lisant 100 versets. Vous allez comprendre. Ici, une nuit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est toutes les nuits ou c'est juste une nuit? Hein? Vous vous posez peut-être déjà la question. Ahsant. Hein? Celui qui prie une nuit en lisant 100 versets sera écrit parmi les obéissants sincères. Et aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit en prière une nuit sans verset ne sera pas écrit parmi les insouciants. En plus de l'action du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'est sa parole, mais en plus son action et sa mudawama. Vous connaissez ce verbe en arabe, hein? Dawama, ou son masdar mudawama, c'est le fait d'être constant sur quelque chose, d'être, hein? De faire quelque chose avec continuité, d'être assidu, hein, continue. Et il dit: celui qui lit en prière en une nuit 100 versets ne sera pas écrit parmi les insouciants. Et ce, en plus de l'action du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de sa préservation avec continuité de la prière nocturne alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, hein, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, Annie, qu'est-ce qu'on dit par rapport à lui alayhi sallallahu alayhi wa sallam, hein? Ghufira lahuma. Hein? Non. Alors qu'est-ce que nous on doit dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais délaissé Qiyam al-Layl. Il faisait la continuité tout le temps. Ceci indique le bien immense que comporte la prière nocturne, car elle rend l'individu, avec la permission d'Allah, l'individu qui préserve cette lecture, ou qui lit une nuit sans verset, ou qui lit une nuit 200 versets, elle fait que cet individu n'est pas écrit parmi les insouciants. Mais de plus, il est écrit parmi les obéissants sincères, min al-qanitin al-mukhlisin. Et qu'Allah fasse partie des obéissants sincères. Troisième point tiré de ce hadith. Et ça, c'est la réponse à la question qu'on avait tout à l'heure. D'accord, Inch'Allah? On va voir qui a raison. Il y a des frères qui ont dit que c'est par rapport au contenu. Et des frères ont dit que c'est la récompense. Mas'alatu thalitha. Fi hadhihi al-ahadith bayan anna mujarrad ma yaqra'u al-insan fi laylatin bidai al-ayat 100 aya aw bi 100 aya hasala lahu hadha al-fadl fa innahu la yuktabu min al-ghafilin wa yuktabu min al-qanitin al-mukhlisin. Et le cheikh, regardez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Undhuru ila nass al-hadith. Man salla fi laylatin. فقال من صلى في ليلة ولم يقل من حافظ على الصلاة في كل ليلة بمئة آية. Et ça, c'est plutôt par rapport à la réponse par rapport à. T'étais pas là, mais ton fils a donné la bonne réponse. Hein? Est-ce que c'est le fait de prier une nuit avec 100 versets ou 200 versets? Est-ce que tu rentres dans ce hadith-là ou il faut faire ça de manière continue? Et la réponse c'est quoi ici? Une nuit, Harry. Une seule nuit. Hein? Hein? Ça c'est un excellent adab que le frère vient d'avoir, c'est de demander la permission de partir du cours. Zallahu khairan. Ce que l'ulama appelle al-isti'dhan, le fait de demander permission. Ala kulli hal, il dit man hafad ala salat fi kulli laylatin bi mi'ati aya, wa la yaqul man hafad ala an yaqra fi kulli laylatin bi mi'ati aya. La, man salla fi laylatin. فدل ذلك أن مجرد صلاة المرء ليلة بمئة آية أو ليلة بمئة آية أنه يتحصل هذا الثواب وهذا الأجر. فلو أن ليلة يقوم فيها المرء يقرأ في الصلاة بمئة آية وليلة أخرى يقوم فيها المرء ويقرأ بمئة آية حصل له هذا الأجر والثواب، حصل له هذا الأجر والثواب، لأن الحديث لم يأتيه في شرط زيادة على أن يقرأها في ليلة ويصلي بها في ليلة. C'est celui qui dit maintenant qu'il faut faire ça de manière constante, c'est lui qui doit donner une preuve. Parce que le hadith, il ne met pas cette condition. Il a dit, filayla, hein, une nuit. On traduit ce passage-là, inshallah. Il y a dans ces hadiths la mise en évidence que le simple fait que quelqu'un lise une nuit, 100 versets ou 200 versets, qu'il obtient cette préséance. Et qu'il ne soit pas écrit parmi les insouciants, et qu'en plus de cela, il soit écrit parmi les obéissants sincères, al-qanitun, al-mukhlisun. Regardez la formulation du hadith, le cheikh dit. Enduro ila nas al-hadith. Celui qui prie une nuit. Et il a dit celui qui prie une nuit, Layla. Il n'a pas dit celui qui préserve, qui continue dans sa lecture de 200 versets chaque nuit. Et il n'a pas dit celui qui prie en récitant chaque nuit 100 versets. Non, il a dit celui qui prie une nuit. Ceci indique que si quelqu'un prie une seule nuit, c'est ça qu'il faut comprendre ici, en récitant 200 versets, ou une seule nuit en récitant 100 versets, eh bien qu'il obtient cette récompense. D'accord ? Quatrième point. Oh pardon, je termine. Si une nuit, quelqu'un maintenant prie en récitant 200 versets, et une autre nuit, il prie en récitant 100 versets, eh bien il obtient cette récompense. Car le hadith, c'est important de comprendre cette règle ici, car le hadith ne met pas une condition de les lire plus qu'une nuit, vous êtes là, hein? Plus qu'une nuit. Quand je veux dire, vous êtes là, pas que physiquement, c'est ça que je veux dire. Hein? Quatrième point, المسألة الرابعة. أورد المصنف رحمه الله ما يدل على أنه يجوز أن يحيي المرء صلاة الليل كله. Pourquoi je dis صلاة الليل كله? Je me suis corrigé. أهل النحو, أهل الإعراب. يا أهل الإعراب. تفضلوا. مشكورين وليس مخطئين ان شاء الله. ليس لا غيبونس. ايوا جو مسي كوريج ريبيت لا فراز. انه يحيي المرء صلاه الليل جديد بكله جو مسي كوريجي جي ردي انه يحيي المرء صلاه الليل كله. انا كي تريش لا. Je t'ai vu. T'as demandé. Et de la réponse à toi pour que tu la dises. Je les connais, c'est habituel. Fadalia Abba Abdillah. Eh ouais, ykhwa. Ahl Nahou. Moi, je t'ai pas demandé une question, je t'ai demandé une réponse. Afwan, c'est le processus de réflexion. Afwan. Vas-y, tfadal. توافق؟ فازي فهموا الإعراب ولو؟ أن يحيي المرء صلاة الليل كله أو بيا كله تتملى أبو نغبونس في الإعراب. أبو نغبونس صلاة الليل كله زيد. فازي الإعراب؟ إلي فاسي الإعراب زيد يلا أن يحيي المرء إلي كويسي. Il est مرفوع. زيد صلاة. Il est donc وهو مضاف. زيد. T'aimes bien ça toi, non? Ouais, vas-y. Hein? الليل مضاف إليه. Donc il est مجرور. زيد. فمعنى كله أو كله. T'as dit كله toi. زيد. Pourquoi? C'est quoi la règle ici en arabe qu'on appelle quoi? Comment on l'appelle? Il a dit, j'ai entendu d'ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah dis-le, t'as venu. Hey, was it? Moi, je te demande un autre dalil que c'est kullihi. La phrase elle serait différente si c'était pas retournerait pas à l'ail ici. Oui, mais non, non, parce que même ça ne serait pas encore juste. Ce serait cool là. T'as compris? Pourquoi? Parce que ça là c'est féminin ou masculin? Ahsan barakallahu fik. On répète cette phrase donc. أنه يجوز أن يحيي المرء صلاة الليل كله بآية واحدة يقرأها ثم يركع ثم يسجد ثم يعود إلى القراءة ثم يركع ثم يسجد وهكذا. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بآية واحدة ظل يرددها حتى أصبح، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي يقوم بسورة قل هو الله أحد ظل يرددها الليل كلها. لو أراد إنسانا صلى من الليل 10 ركعات في كل ركعة يردد قل هو الله أحد ثم يركع ثم يسجد ثم يقوم ويقرأ قل هو الله أحد ثم يركع ثم يسجد وهكذا كل ركعات، فإن هذا من الأمور الجائزة المشروعة المستحبة بثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسلم كما هي القاعدة في العبادة المتنوعة يستحب له أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. Quatrième point donc qu'on tire de ce chapitre, l'auteur a rapporté un hadith, rahimahullah, qui indique l'autorisation de veiller toute la nuit en prière en ne récitant qu'un verset. Qu'il le récite, puis s'incline face au ruku', puis se prosterne. Évidemment, après être remonté de ruku', hein, c'est bien, hein, mais c'est plus pour donner. Hein, que ce soit clair. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh, il y a khilaf, etc. On va commencer à le faire. Hein, en récitant. Puis s'incline, puis se prosterne, puis retourne à sa récitation, puis s'incline, puis se prosterne, et ainsi de suite. Et la preuve de cela est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié une nuit en ne récitant qu'un verset, en le répétant, et c'est jusqu'au matin. La traduction du sens de ces versets est: si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a conforté. Hein? C'est quoi le mot qu'on avait encore utilisé l'autre fois pour Aqarra, Taqririya, hein? Il m'échappe à chaque fois. C'était conforté, c'est ça, hein? Hein? Il y en a qui. Hein? C'était quoi? Tu te rappelles plus? C'était conforté, non? Taqririya, on avait dit, non? C'est le fait de conforter que le messager, quand il a entendu qu'il l'a fait, ce sahabi-là, il l'a reproché? Non. Donc il l'a donc conforté. Hein? Sunna acquise, on avait dit? On avait dit? Voilà. Pas mal, c'est l'approbation. Hein? C'est un éclair de. Hein? Donc c'est un à approuver. Hein? Oh là. T'es avec le petit, t'es en train de le réconforter. T'es. Zach Lachel pour ta participation à la couleur. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a approuvé, conforté le compagnon qui priait la nuit en récitant le verset ou la sourate dont la traduction du sens est dit il est Allah l'unique, qu'il répéta toute la nuit. Donc le sahabi il a répété cette sourate quoi? Toute la nuit. Qul huwa Allahu ahad. Si quelqu'un venait à prier la nuit 11 unités de prière en répétant dit il est Allah l'unique, évidemment c'est la traduction du sens ici, qul huwa Allahu ahad, hein? Puis s'incline, puis se prosterne, puis se lève et récite cette sourate, puis s'incline, puis se prosterne et ainsi de suite pour toutes les unités de prière, eh bien ceci fait partie des choses autorisées, légiférées. Il a dit quoi? Al-mubahat, al-umur al-mubaha, al-mashru'a, al-mustahabba. Les choses autorisées, légiférées, préférables. Car cela a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il donne une règle ici qu'on a déjà vue. Et il est préférable pour le musulman en ce qui concerne les adorations avec différentes variations. Ce qu'on appelait quoi? Il appelait ça ici l'ibadat al-mutanawi'a. Hein? Ou ce qu'on appelait aussi une fois khilaf al-tanawu'a. Hein? C'est-à-dire que comme dans le tashahud, il y a plusieurs manières de faire le tashahud. Eh bien, la sunna, c'est de faire une fois celle-ci, une fois celle-là, si tu les connais. D'accord? Opposé au khilaf al-tadad. Khilaf d'opposition, divergence d'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chose que tu peux faire. Par exemple, un exemple que donnent les ulama, c'est quand tu te relèves de l'inclinaison, de ruku'. Bien, certains ulama, comme Cheikh Nasser, qu'est-ce qu'il dit? Tu mets les mains où? Le long du corps. Et certains ulama comme Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Ibn Baz et d'autres, rahmatullah al-jami', qu'est-ce qu'ils disent? Tu remets les mains sur la poitrine. Pourquoi? La raison elle est simple, c'est que Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin sont tous d'accord, ils disent qu'il n'y a pas de preuve spécifique là-dessus. À ce moment-là, précis de la prière sur comment faire. Donc Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin, d'autres savants, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent à la preuve générale de la prière, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Ils disent, or, ce moment-là est un des moments de la prière. Donc on revient au hadith général. Cheikh Nasser, il dit non. Parce que pour mettre, il dit, on n'a pas de preuve. Et la base, c'est qu'on ne bouge pas les mains. C'est pour ça qu'on les laisse le long du corps. Deuxième chose, il dit que pour utiliser une preuve générale, un moment particulier, il faut une preuve particulière. Vous avez compris un peu? Donc ça, c'est khilaf tadad. Ce n'est pas une fois tu fais ça ou une fois tu fais ça. Hein, composé par rapport au tashahhud, qui sont tous attribués au prophète sallam, de manière authentique, eh bien, une fois tu fais le tashahhud rapporté par tel compagnon, une fois tu fais le tashahhud rapporté par un autre compagnon. D'accord? Donc on a dit quoi ici? Il est préférable pour le musulman, en ce qui concerne les adorations avec différentes variations, de faire parfois ceci et parfois cela. On avait déjà vu notamment dans ce chapitre concernant la récitation. Hein? Et cela a été établi dans la règle sur les adorations avec différentes variations. Maintenant, je vous laisse le choix. Ou je rapporte le cinquième point, qui n'est pas très long, hein, et qui va répondre un peu à ta question l'autre fois, tu te souviens, sur Alif Lam Mim. Hein, ou je la laisse pour la fois prochaine, c'est vous qui décidez, parce qu'il est un peu tard. Inch'Allah, je pense, confirmez-moi qu'à partir de cette semaine, les cours seront à 7h30 hein, à la mosquée. Tous les cours, non? Tu penses? Bon, si tu es au courant, de toute façon, moi je pense que c'est 7h30, j'attendais ça, de toute façon c'est mieux. Hein, parce que là, ça va faire l'Aïcha à 9h30, on fait le cours à 10h. J'espère avoir des... Hein, je ne sais pas si on va avoir grand monde. Hein, carry on. Ah, les cours d'anglais. Hein, non. Mais justement, ça arrive dans le sixième point. Je la donne pour ne pas faire durer le suspense. Hein? Je la donne en résumé et on expliquera après, Inch'Allah, en détail. Ça va? Ben, le frère qui a dit que c'était vis-à-vis du sang, c'est lui qui a raison. Ou les frères qui ont dit ça, c'est eux qui ont raison. Hein? Et Cheikh va expliquer pourquoi. Parce que c'est très juste, comme l'a dit, il était plus précis un frère, il a dit quoi? Par rapport au tawhid et tout ce qui touche à l'aqidah et l'asma al-sifat. Hein? Parce que le Coran, le Cheikh, il a dit, il comprend trois sujets, trois sens. Et le premier sens, c'est celui-là. Et c'est ce qui se retrouve dans Surat l'Ikhlas. Il a dit justement, c'est pas, il ne faut pas le comprendre selon la récompense. Il ne faut pas comprendre, par exemple, qu'en lisant Sourate l'Ikhlas, tu vas avoir la récompense que tu vas lire. C'est comme si tu lisais le tiers des sourates du Coran. D'accord? Mais on va en reparler, Inch'Allah, dans le sixième point, Inch'Allah. Ben non, c'est le cinquième point, justement. Donc, on le fait ou pas? Hein? طيب المسألة الخامسة قالوا عليه الصلاة والسلام عن سورة قل هو الله أحد إنها لا تعدل ثلث القرآن يعني في المعنى وليس في الأجر. Il n'y a pas de problème de faire des erreurs. Moi j'ai dit ça au début de la question pour susciter l'intérêt, c'est tout. C'est pour ça que je l'ai fait. D'accord. C'est pas pour reprocher à qui que ce soit d'avoir fait une erreur. فإن العلماء نصوا على أنه لا يتساوى أجر من قرأ من سورة القرآن قدر الثلث مع من قرأ قل هو الله أحد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف أجر. لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فالمراد أن هذه السورة تعديل في معناها ثلث القرآن. Je vous avais déjà expliqué ce hadith dans, on avait pris l'explication de l'imam Jazari rahimahullah, qui est un des grands spécialistes du dans la science des qira'at, des récitations du Coran, et qu'il élève, un des élèves d'Ibn Kathir, qu'il avait dit quoi? Que Alif Lam Mim, il ne faut pas comprendre que c'est Alif, la lettre toute seule, que t'en hasana, et Lam, toute seule, que t'en hasana, et Mim, que t'en hasana. Hein? Je dis ce qu'il a dit, Mim Jazari, rahimahullah. Et que c'est quoi? Que Alifun, Lamun, et Mim, c'est-à-dire par mot, comme il avait dit Cheikh. Il avait, tu te rappelles le Fatiha, il avait dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Rahim, Ar-Rahman, c'est un mot, Ar-Rahim, c'est un autre mot, hein, etc. D'accord? J'ai des frères qui ne sont pas d'accord, on peut toujours en discuter après le cours, Inch'Allah. On a dit quoi ? Fa al-muradu anna hadhihi as-sura ta'dilu fi ma'naha thuluth al-Qur'an. Wa dhalika li anna al-Qur'an yatadammanu thalathata umur. Wal ma'na al-awwal ma yata'allaqu bit-tawhid wal 'aqidah wa asma'illahi wa sifatihi wa tawhidihi. Al-ma'na al-thani ma yata'allaqu bit-tadhkir wal wa'z wa ma fihi min al-qisas wa akhbar al-madi was-sabiqin wal-lahiqin wa nahwihim. Wal ma'na al-thalith ma ishtamala 'alayhi al-Qur'an min al-ahkam والحلال والحرام ما دام القرآن العظيم يدور على ثلاثة معاني فقل هو الله أحد تعدل الثلث أي فيها بيان ما يتعلق بأحكام التوحيد والعقيدة وقد جاء في فضل قل هو الله أحد حديث آخر غير الحديث المذكور هنا وهو قول عليه الصلاة والسلام من قرأ قل هو الله أحد 11 مرة بنى له قصرا في الجنة. وقد صح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. Cinquième point, la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم à propos de sourate l'Ikhlas, c'est qu'elle équivaut à un tiers du Coran, c'est-à-dire dans le sens et non pas la récompense. Car les savants ont dit que la récompense de celui qui lit le tiers des sourates du Coran n'est pas équivalente à la récompense de celui qui lit sourate l'Ikhlas. Car le messager d'Allah a dit, celui qui récite un verset du livre d'Allah a une récompense pour chaque lettre. Il dit, je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, harf, mais je dis Alif est un harf, une lettre, et que Lam est une lettre, un harf, et que Mim est une lettre, un harf. Vous voyez le mot lettre ici, il est un peu ambigu dans la traduction. Il dit, il aura pour chaque harf, une récompense, et chaque récompense est multipliée par 10. Ce qu'il voulait donc ici, c'est que surat l'Ikhlas équivaut dans le sens au tiers du Coran. Et ceci car le Coran comprend trois choses, ou trois sens. Le premier sens, ce qui est lié à l'unicité et à la croyance, et au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à ses attributs subhanahu wa ta'ala. Le deuxième sens, c'est ce qui est lié au rappel, à l'wa'd, au tadhkir, et à l'exhortation. Et ce qu'il contient comme récit et information sur le passé, les anciens et ceux qui vont venir, al-lahiqin, al-sabiqin, al-dilshir, etc. Troisième sens, ce que le Coran contient comme jugement, et le licite et l'illicite. Donc, si le Coran comprend ces trois sens, alors surat al-Ikhlas équivaut au tiers. Car il y a dans cette sourate la clarification du jugement qui touche à l'unicité et à la croyance. Cheikh, il va rapporter une autre faïda. Il dit, un autre hadith a été rapporté concernant la préscience de surat l'Ikhlas. Et c'est celui qui dit que celui qui lit surat l'Ikhlas 11 fois, Allah lui construit un palais au paradis. Ce hadith a été jugé authentique par Cheikh al-Albani, rahimahullah, dans Sahih al-Jami' wa Allahu a'lam wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.